Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir le Profession philosophe enregistré en septembre 2018 avec Michel Serres. Comment vient une idée en philosophie? À quoi ressemble l'atelier du philosophe? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe choisit-il d'endosser face à l'actualité? Bienvenue sur le chemin du vendredi, où j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir le philosophe Michel Serres. Bonjour Michel Serres. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Content d'être ici, merci. On est ravis de vous accueillir. Comment vous présentez-vous? Je me présente comme 1m80, 80 kilos en gros, mais j'ai beaucoup maigri récemment. Alors c'est plutôt 1m70, non, 1m80, mais 70 kilos, voilà. Donc c'est par le corps que vous vous présentez? Oui, enfin, c'est la chose la plus simple, la plus évidente, voilà. Et le reste suit. Alors à quel moment, lorsque vous déclinez vos caractéristiques qui permettent d'identifier qui vous êtes, oui, vous affirmez, vous énoncez le mot « philosophe » ? Mais c'est-à-dire que ça vient doucement. Je veux dire par là que j'étais au début plutôt scientifique. Et plutôt parmi les sciences, ce que je préférais de loin, c'était les mathématiques. Bon, donc j'étais un peu mathématicien, et puis un jour comme ça, il m'est arrivé une grosse tuile, si vous voulez, c'était Hiroshima. Et là, si vous voulez, auparavant nous étions un peu scientistes, c'est-à-dire on pensait que la science était toute bonne et seule bonne. Et puis tout d'un coup est arrivé cet événement terrible, vous voyez, où on a appris tout d'un coup que des physiciens de premier ordre s'étaient réunis dans le désert du Nevada pour concocter cette affreuse chose qu'était la bombe atomique. Et là, tout d'un coup, et je n'étais pas le seul, beaucoup de scientifiques ont été comme moi, beaucoup ont été pris dans leur conscience profonde et... Je me souviens qu'il y a des physiciens même qui ont quitté pour devenir biologistes, vous voyez. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse la philosophie, voilà. Et je crois que ça a été le tournant décisif qui m'a fait rentrer dans ce métier-là, voilà. Quel âge aviez-vous? 16 ou 17 ans, voilà, très jeune. Vous aviez intégré l'école navale, vous étiez spécialisé, oui, en physique théorique. Oui. Le choix de faire, oui, de la philosophie suite à Hiroshima, à la bombe atomique. Non, mais il y a eu Hiroshima, et puis d'autre part, il se trouve que le métier de mon père, de mon frère et donc le mien, était marinier. Nous étions mariniers sur la Garonne. Et quand on vieillit un peu, et qu'on a 17 ans, 20 ans, on veut faire un peu mieux que son papa. Donc je suis rentré à l'école navale pour être un marin plutôt qu'un marinier, voilà. Et seulement, dès le moment où j'étais à l'école navale, je me suis aperçu que mon idée vieille concernant Hiroshima se représentait dans mon ventre, vous voyez. C'est-à-dire que j'étais à bord de bateaux de guerre, avec des torpilles, avec des canons, etc. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais je ne peux pas rester là, puisque Hiroshima, pour moi, était un choc. Alors j'ai quitté l'école navale pour faire d'autres études, et c'est à ce moment-là que je suis rentré à l'école normale. Mais en quoi faire de la philosophie était une manière de vous rendre plus utile pour le monde qui vous inquiétait tant à ce moment que d'être scientifique? Alors, il y a deux stades dans ce cas-là. Premièrement, on rentre en philosophie, on fait des études, on devient professeur. Bon, alors professeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a devant soi ou une classe de 30 élèves ou un amphi de 200, mais ce sont presque toujours des gens qui sont un peu triés sur le volet, n'est-ce pas? Et ça, c'est un premier acte de transmission, vous voyez, un premier acte de diffusion de ce qu'on peut appeler la pensée, vous voyez. Mais il y a un second acte qui me paraît encore plus important. C'est-à-dire que, à un certain moment, quitter cette zone, quitter cette classe, quitter cette élite, vous voyez, pour essayer de s'adresser directement à tout le monde, vous voyez. Et j'ai eu à faire ça pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, au micro de France Info, où j'ai fait une émission où j'arrivais à toucher des gens inattendus. Par exemple, un jour, je suis rentré dans un taxi, c'était un beau Sénégalais qui tenait le volant avec de larges épaules, et je lui ai dit, vous pouvez m'amener à tel endroit, et sans se retourner, il m'a répondu, je viens d'entendre la voix de mon professeur de philosophie du dimanche. Ma vie était sauvée. Ma vie était sauvée. Vous voyez, c'est-à-dire, j'arrivais à atteindre tout le monde. Et le malheur, c'est que cette mission est terminée parce que j'ai été chassé ignominieusement de France Info. On vous accueille avec grand plaisir sur France Culture aujourd'hui, beaucoup, en tout cas. C'est très gentil. Mais vous voyez, il y a deux actes de transmission. Voilà. Mais c'est la transmission qui vous a donné envie de devenir philosophe ? Ah non, je vous ai dit pourquoi j'étais devenu philosophe. Oui, mais vous ne m'avez pas dit pourquoi faire de la philosophie était plus utile pour vous que faire de la science. Ah oui, c'est une bonne question. En effet, vous savez, le métier de médecin. Il y a des cardiologues, il y a des néphrologues, il y a des, etc. Mais il y a aussi le médecin que je préfère et qui est, à mon avis, le vrai médecin, c'est le généraliste. C'est-à-dire celui qui est le médecin de la famille, le médecin traitant, si vous voulez, etc. Et qui, lui, n'est ni néphrologue, ni etc., mais qui est un peu tout, puisqu'il est généraliste. Eh bien voilà, la philosophie, c'est ça. Et je l'ai faite pour ça, parce qu'elle est généraliste. Un philosophe peut être mathématicien, il peut être physicien, il peut être sociologue, j'en sais rien, mais il n'est pas spécialiste. Et ce fait de du zéro de spécialité, de la totalité des spécialités, c'est à la fois l'obligation et le cauchemar de la philosophie. C'est-à-dire, il faut savoir un peu de tout, et c'est pas commode. Mais seulement, c'est nécessaire. Voilà. Quelle a été votre première rencontre avec la philosophie ? Je peux vous dire que tous les professeurs de philosophie que j'ai eus étaient vraiment très, très, très mauvais. Très mauvais. Et donc, je n'ai jamais rencontré la philosophie avec mes professeurs. Jamais. Mais il se trouve, par hasard, qu'un jour, faisant cours, il y a un monsieur que je considérais comme un vieux monsieur, qui était au fond de la salle et qui suivait mon cours. Bon. Et puis, il est venu me voir au bout de 5 ou 6 cours, et il m'a dit, je cherche un philosophe, et j'ai suivi plusieurs cours, et c'est vous que je choisis. J'ai dit encore un emmerdeur, vous voyez, bon. Et puis d'un coup, il me dit, je suis Jacques Monod. Ah ! Là, dans la tête, je me suis dit, quel genre de bêtise j'ai dit depuis 4 cours, vous voyez, forcément. Bon. Et puis, à partir de là, nous avons été très amis, et nous étions toujours en train de travailler le rapport qui pouvait exister entre la nouveauté découverte par lui en biochimie et la réflexion qu'on pouvait en tirer, voyez. Et là, à ce moment-là, c'était la philosophie en acte, voyez. Et là, j'ai beaucoup mieux rencontré la philosophie avec lui qu'avec mes professeurs. Mes professeurs qui étaient, en gros, des commentateurs, ce qui est bien d'être commentateur, mais c'est très limité, voyez. Bon. Et lui, là, j'étais non seulement en présence d'un savant, d'un vrai grand savant, qui avait des besoins philosophiques et qui les cherchait chez moi. Et donc, il me les a extraits. Voilà. Et par conséquent, il y avait là une rencontre, puis j'en ai eu plusieurs autres par la suite, mais c'est tout souvent à cette occasion-là qu'on devient philosophe, quand quelqu'un vous demande précisément quelque chose dont il a besoin à partir d'une spécialité suraiguë. Vous voyez, voilà. Et j'ai rencontré par la suite des mathématiciens ou je sais pas. J'ai habité la Silicon Valley, par exemple. Et là, beaucoup de gens qui inventaient des techniques, etc., cherchaient à avoir une ouverture ailleurs que dans leur technique. Voilà. Vous publiez votre premier ouvrage sur Leibniz en 1968, oui. Michel Serres. Depuis près de 70 livres plus tard, vous avez abordé des sujets très variés, Auguste Comte, Émile Zola, Rome, Jules Verne, Hergé, l'écologie, les nouvelles technologies, Darwin. Quelle est la question qui vous a occupé tout au long de votre travail de philosophe ? Eh bien, justement, nous en avons parlé à demi, là, jusqu'à maintenant. Et je crois avoir demandé que dans cette émission, on lise un petit texte de Jules Verne, qui est intéressant pour moi, parce que c'est quelqu'un qui fait le tour du monde, c'est le plus grand voyage de l'époque. Il parie de le faire en un temps limité, 80 jours. Mais bon, il n'aurait pas réussi, et largement, s'il n'avait pas eu avec lui un valet. Et ce valet, vous savez son nom ? Il s'appelle Passepartout. Vous voulez qu'on écoute le texte ? Si vous voulez. Allons-y. À 8h05 du soir, Passepartout avait été chargé par son maître de prévenir le révérend Samuel Wilson au sujet d'un certain mariage qui devait se conclure le lendemain même. Passepartout était donc parti enchanté. Il se rendit d'un pas rapide à la demeure du révérend Samuel Wilson, qui n'était pas encore rentré. Naturellement, Passepartout attendit, mais il attendit 20 bonnes minutes au moins. Bref, il était 8h35 quand il sortit de la maison du révérend. Mais dans quel état, les cheveux en désordre, sans chapeau, courant, comme on n'avait jamais vu courir de mémoire d'homme, renversant les passants, se précipitant comme une trombe sur les trottoirs. En 3 minutes, il était de retour à la maison de Savilro. Et il tombait essoufflé dans la chambre de Mr. Fogg. Il ne pouvait parler. Les cheveux en désordre, sans chapeau, courant. « Qu'y a-t-il ? » demanda Mr. Fogg. « Mon maître ! » balbutia Passepartout. « Mariage impossible !»« Impossible ? » ?»« Impossible ! Pour demain !»« Mais pourquoi ?»« Parce que demain, c'est dimanche !»« Lundi ! » répondit Mr. Fogg. « Non ! Aujourd'hui, samedi !»« Samedi ? Impossible ! » ?»« Si !» s'écria Passepartout. « Vous vous êtes trompé d'un jour ! Nous sommes arrivés 24 heures en avance, mais il ne reste plus que 10 minutes !» Passepartout avait saisi son maître au collet et il l'entraînait avec une force irrésistible. Phileas Fogg, ainsi enlevé, sans avoir le temps de réfléchir, quitta sa chambre, quitta sa maison, sauta dans un cab, promit 100 livres au cocher. Et après avoir écrasé 2 chiens et accroché 5 voitures, il arriva au Reform Club. L'horloge marquait 8h45 quand il parut dans le grand salon. Phileas Fogg avait accompli ce tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg avait gagné son pari de 20 000 livres. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le philosophe Michel Serres. Quand je vous ai posé la question, celle de savoir à quelle question se ramenait votre œuvre philosophique, vous avez répondu par ce texte de Jules Verne. Oui. Pourquoi ? Parce que voilà, d'abord il s'agit d'un personnage et pas d'un concept, et d'autre part il s'agit de son nom. Il s'appelle Passepartout. Or, il se trouve que quand j'ai écrit le livre sur la légende des anges, le héros s'appelle Pantope, ce qui veut dire partout. En grec, utopie, c'est nulle part, et la Pantopie, qui est le titre de notre de mes livres, mais alors un livre d'entretien, n'est-ce pas, veut dire justement partout. Or, précisément, c'est cela même la philosophie. C'est-à-dire que le philosophe doit passer partout. Par les mathématiques, par la physique, par la morale, par l'esthétique. Et il est le généraliste dont je parlais tout à l'heure, mais ce travail de généralité consiste vraiment à passer partout. C'est-à-dire faire le tour du monde comme le héros dont je parle, mais le réussir grâce à ce coup de génie que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'on appelle ça le décalage horaire, bien entendu. Mais là, il y a quelque chose que je trouve fondamental et que les grands philosophes ont déjà montré. C'est-à-dire qu'ils s'appellent Aristote, Leibniz, etc. Ils sont passés partout. Et en passant partout, ils ont réussi un tour de force incroyable, c'est qu'ils ont touché exactement le contemporain. C'est-à-dire qu'on ne peut plus même imaginer l'Antiquité sans Platon ni Aristote. Pourquoi ? Parce qu'ils sont passés partout, c'est-à-dire partout ce qui se passait à ce moment-là. Mais ils s'en étaient pas aperçus, ils sont passés partout. Et par conséquent, Leibniz a fait de même, Hegel a fait de même, etc. Il n'y avait pas de secteur qui leur était complètement étranger. Et par conséquent, la philosophie, c'est ça. Le philosophe, c'est passe-partout. Il doit passer partout. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que ceux qui étaient spécialistes de sciences politiques, spécialistes de sociologie, etc., avaient raté le contemporain. Et tout d'un coup, si vous passez partout, alors évidemment, je ne peux le dire maintenant que parce que j'ai 88 ans. Mais ça, je l'ignorais complètement à l'âge de 20 ans. Mais j'avais l'idée déjà qu'il fallait balayer, si vous voulez, l'encyclopédie. Qu'un philosophe n'était rien s'il n'était pas encyclopédiste. Et j'avais de la chance, une chance inouïe, c'est d'avoir été mathématicien, de savoir un peu de physique. Grâce à mon nom, j'ai connu la biochimie contemporaine et ainsi de suite. Voyez. Donc, c'était à la fois mon projet vague, un peu aveugle, si vous voulez, et maintenant que je suis vieux, je peux me retourner en disant « Mais c'est justement ça la philosophie, de passer partout ». Mais ce besoin de totalité, que vous nommez quand vous parlez du métier même de philosophe, ce n'est pas une fin en soi, parce que vous dites « passer partout pour penser le contemporain ». C'est ça qui est en ligne de mire de votre travail ? Pas tout à fait, parce que vous employez là une expression « pour penser le contemporain ». Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas ça que j'ai dit et ce n'est pas tout à fait ça dont j'ai l'intention. C'est-à-dire que lorsqu'on passe partout, alors on a la chance de trouver le contemporain. D'accord, c'est pas un but. Si on passe partout, on a la chance de trouver le contemporain. Donc le but, c'est de passer partout. C'est pas un but. Non, le moyen, c'est de passer partout, mais on s'aperçoit par la suite, et un peu quand on est vieux, quand on fait une sorte de retournement sur son boulot, si vous voulez, que on rencontre le contemporain. Et je l'ai rencontré puisque j'écris Petite Poussette, j'écris C'était mieux avant, etc. C'était le contemporain. Mais je me suis senti autorisé de parler de ça seulement parce que j'étais passé partout. Voilà. Vous parlez de Petite Poussette. Oui. C'est parfait parce que Petite Poussette est à la fois un personnage. Oui. Vous avancez davantage avec les personnages qu'avec les concepts. Et c'était le titre que vous avez donné à un ouvrage qui est paru au tout début des téléphones portables. Oui, c'est-à-dire que le philosophe que vous étiez, qui aviez déjà une longue carrière couronnée de succès, personne ne vous attendait sur ce point-là. Et la Petite Poussette, mais c'est aussi le mouvement du pouce sur l'écran du téléphone tactile. Les deux pouces, pas seulement une. C'est que d'abord, je n'avais pas beaucoup de mérite de le remarquer. Et il faut dire que j'ai enseigné à Stanford pendant 37 ans, c'est-à-dire au milieu de la Silicon Valley, et que j'ai vu démarrer les grandes entreprises qui aujourd'hui dévorent le monde, vous voyez. Et à cette époque-là, d'ailleurs, ceux qui avaient commencé les entreprises étaient plutôt d'idéologie libertaire. Et nous allons faire des réseaux, on va donner une république considérable avec une liberté totale à chacun de s'exprimer. Il y aura autant d'émetteurs que de récepteurs, alors que dans les médias normaux, il y a peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs, bon, etc. Et donc, ils étaient plutôt libertaires. Aujourd'hui, c'est les maîtres du monde, hélas, vous voyez. Bon, ça s'est mal passé. Donc, si vous voulez, j'étais un peu au courant de ces affaires-là. Mmh. Et puis, un jour, on m'a demandé de faire une sorte de rapport sur l'enseignement. On était trois, d'ailleurs, à faire ce rapport. Quelqu'un de l'Académie des sciences, quelqu'un de l'Académie des belles-lettres et moi. Et j'avais intitulé mon rapport « Petite Poussette », vous voyez. Et évidemment, les secrétaires de l'Académie étaient fous de rage. Ils disaient avec un titre pareil, c'est pas sérieux, etc. Mais j'ai tenu le coup parce que les gens disaient toujours « qu'est-ce qu'il faut transmettre ?» Et moi, je posais la question « à qui faut-il transmettre ?» Si vous ne connaissez pas la personne nouvelle que vous avez devant vous, vous n'avez aucune chance de transmettre quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai fait plutôt le portrait de la personne dont je pensais que c'était quelqu'un qui avait entre, disons, 18 et 28 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on rencontre le contemporain. Mais on rencontre le contemporain, pourquoi ? Parce que c'est ça l'expérience philosophique, l'encyclopédie. Voilà. Vous posez la question de savoir à qui vous vous adressez. La jeunesse occupe une place très importante dans votre travail. C'est-à-dire que c'est pas tellement la jeunesse que un renversement, un basculement complet de culture. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui quelque chose de très nouveau dans l'histoire, je crois, qui est dû non seulement aux nouvelles technologies qui viennent d'arriver, qui ont bouleversé beaucoup de choses, mais aussi à d'autres facteurs, comme par exemple la victoire de la médecine, qui date d'un peu de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait que l'espérance de vie a cru verticalement. C'est plus la même mort, c'est plus le même homme, c'est plus la même douleur, c'est plus la même maladie, c'est plus, bref, le même corps, si vous voulez. Mais avec les nouvelles technologies, arrive quelque chose qui touche non seulement à la question neurologique, mais aussi aux facultés cognitives, la mémoire, l'imagination, etc., la conceptualisation. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un nouvel homme en formation, et je crois que je suis passé à peu près partout pour enseigner, et partout, il y a une crise d'enseignement, une crise très grave, qui justement a pour cause ce basculement complet Quand je dis de culture, c'est plus que ça encore, puisque c'est le corps qui change, c'est la vie qui change, c'est la mort qui change, etc. Et aussi de relations humaines. C'est-à-dire, vous pensez bien qu'avec le portable, est-ce que vous connaissez le théorème de mathématiques qui est très amusant? Les statisticiens se sont posé la question il y a déjà une quinzaine d'années, en combien de coups de téléphone n'importe qui, vous par exemple, peut atteindre dans le monde de n'importe qui? Alors, au début, c'était 10 coups de téléphone, puis 6, puis 8, etc. Aujourd'hui, c'est 3,35. En fait. C'est-à-dire que chaque personne au monde se trouve à 3,35 coups de téléphone de Barack Obama. Voilà, exactement. Ou de quiconque d'autre, ou d'un Sénégalais du désert, ou d'un Peul, vous voyez. Oui, parce qu'il a aussi son portable. Il n'y a pas qu'Obama qui a le portable. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 800 millions de portables, vous voyez. Et par conséquent... toucher quelqu'un, c'est pas très difficile, voilà. Et ça, c'est une nouveauté dont on n'a pas idée, vous pensez bien. Je me souviens qu'un jour, j'avais été appelé à la radio pour commenter le fait que Gagarine, vous savez, le premier cosmonaute volant, était parti dans l'espace. Et ils m'ont demandé ce qu'il y avait de nouveau dans cette affaire. Je dis, le nouveau, c'est pas la fusée, le nouveau c'est pas le moteur à explosion, le nouveau c'est... Non, c'est pas du tout ça. Le nouveau c'est qu'il n'est pas parti. Comment ? Il m'a dit, il n'est pas parti, il est allé le plus loin possible. Et non, monsieur, il n'est pas parti. Parce que moi, quand j'étais jeune, que je prenais un bateau, eh bien voilà, je partais et personne n'avait de nouvelles de moi. La femme de marin regardait par la fenêtre l'horizon et elle attendait le marin, qui aurait pu arriver dans 8 jours, mais aussi jamais. Vous voyez ? Bon. Et là, il était perpétuellement en contact avec le sol. Et d'une certaine manière, il n'était pas parti. Vous voyez, donc, la nouvelle technologie permet d'annuler l'espace et d'avoir une nouvelle philosophie de l'espace, une nouvelle philosophie du temps, une nouvelle philosophie des relations. Vous voyez, et donc, tout a changé il y a environ 50 ans ou 40 ans. Et il faut penser le monde contemporain, mais il n'est pas commode à penser si on n'est pas passé partout. Voilà. C'est plutôt la thèse que je défendrai. Voilà. La philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir ? Alors, à cette table, d'autres personnes posent des questions, et notamment des philosophes. Vous avez reconnu la voix de celui-ci, Michel. Oui, c'est Jean Kalevitch. J'étais très ami avec lui, parce qu'il était... nous étions tous les deux un peu pianistes, voilà. Mais il était bien, bien plus fort que moi. C'était un homme charmant, etc. Donc, j'ai eu du plaisir à le réentendre. Et lorsqu'on lui demande à quoi sert la philosophie, il prend la comparaison... d'un outil, d'un ustensile. Il dit, ben voilà, pour certains outils, c'est très facile de dire à quoi cela sert. Pour la philosophie, on s'est mal posé la question. Mais c'est pas sûr. C'est-à-dire, ça sert à rien et ça sert à tout. Mais les choses les plus importantes, c'est justement celles-là. C'est-à-dire que quand vous prenez l'inconnu égal x, x, c'est aucune valeur, mais toutes les valeurs possibles. Vous voyez ? Quand vous prenez votre billet de 5 euros, avec 5 euros, vous pouvez acheter ceci, ceci, cela, c'est-à-dire presque tout. Vous voyez ? Et en soi, il n'a pas de valeur, mais il a toutes les valeurs. Et ainsi de suite. Donc je crois que ce qui n'a aucune valeur, qui a toutes les valeurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est précisément ça que cherche la philosophie. C'est ce fameux couteau suisse qui sert à tout. Alors, je vous propose qu'on explore le couteau suisse avec vous, celui que vous avez dans votre poche, que vous emmenez dans l'atelier pour écrire de la philosophie. La philosophie est un métier, surtout pour vous, vous l'avez dit. Si on entre dans dans votre atelier, si on part du principe, comme on file la métaphore de Jean Kalevitch, il y a une manière artisanale de fabriquer de la philosophie. Tout à fait, oui. Quels sont vos outils de travail ? Ce qu'il y a de bien dans votre question, c'est que j'ai changé d'outil. C'est-à-dire que je suis passé de la pointe bic, qui faisait qu'il fallait écrire, vous savez, à la fin de la journée, le bras droit pendait tellement qu'il était épuisé, vous voyez. Et aujourd'hui, le passage à l'ordinateur a fait que les conditions de fatigue et de recherche du travail sont considérablement améliorées. vous rendez compte que si vous aviez besoin d'un renseignement, il fallait partir de la province, prendre le train de nuit, arriver à Paris, faire la queue à la Bibliothèque nationale, s'inscrire, etc., demander le livre, et puis tout d'un coup, on s'apercevait qu'on s'est trompé, c'était pas le bon livre, vous voyez. Il fallait donc beaucoup d'argent, beaucoup de temps, etc. Aujourd'hui, clic, on a le renseignement. Donc, l'aise dans l'information. Et puis, d'autre part, l'aise dans la construction de la phrase. Vous pouvez toujours effacer, recommencer, etc. Et vous n'avez pas cette peine extraordinaire. Je suis passé de travailleur manuel, si vous voulez, de col bleu à col blanc, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça l'outil d'aujourd'hui, vous voyez. Et je le partage avec beaucoup de gens, en dehors de la philosophie, évidemment. Quels sont vos rituels d'écriture ? Je peux conseiller aux braves gens qui veulent écrire une sorte de mode d'emploi relativement difficile à suivre, mais vraiment très utile. Il faut d'abord savoir à quelle heure on est intelligent. Parce que dans la journée, il y a des heures où vous êtes un peu meilleur que d'autres, etc. J'essaye de faire en sorte que ce soit à 10 heures le matin, mais ça vous, c'est pas 10 heures. Mmh. Moi, c'est plutôt 4-5 heures le matin. Alors, voilà. Mais difficile pour une émission. Chacun ses goûts. Et parce que l'après-midi, je suis du midi, vous savez, on fait la sieste de l'après-midi. Et le soir, on aime bien sortir, etc. Bon, etc. Donc, une fois que vous avez pigé le temps en question, vous dites, je travaillerai de telle heure à telle heure. Et vous vous y tenez toute votre vie, sans aucun arrêt. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est le... Écoutez, notre corps, nos organes, sont soumis à un rythme. Il y a le rythme du pouls, il y a le rythme du cœur, il y a le rythme de la respiration, etc. Et beaucoup de gens connaissent une spécialité qui s'appelle justement travailler sur les rythmes du corps, vous voyez, le rythme des règles, par exemple, et ainsi de suite. Et le nyctéméral, le sommeil, etc. Et par conséquent, tout travail qui n'a pas de rythme est voué à l'échec. Et donc, vous avez un rythme, c'est-à-dire que de telle heure à telle heure, vous travaillez et vous vous y tenez. Et le rythme arrive de telle sorte qu'au bout d'un certain temps, si vous ne travaillez pas à cette heure-là, vous êtes très, très malade, très, très... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt un entraînement de sportif de haut niveau. Exactement, c'est exactement ça. Et d'une certaine manière, ce sont plutôt mes profs de gym et mes entraîneurs qui m'ont appris mon métier. Donc on écrit aussi avec le corps. Ah mais on n'écrit qu'avec le corps, ma chère, bien entendu. D'ailleurs ça fait mal au dos, ça fait mal aux épaules, etc. Bien sûr, c'est le corps et c'est pour ça que, en dehors des heures dont je parle, il faut faire beaucoup de sport, il n'y a pas de doute. Oui. Dans ce cas, comment viennent les idées ? Est-ce qu'elles viennent du corps ou est-ce qu'elles viennent d'ailleurs ? C'est une question qui n'a peut-être pas de réponse, mais on peut essayer. Je ne sais pas comment vous pensez votre métier, vous, mais quand vous êtes au travail, que vous êtes en ce moment en train d'animer l'émission ou de la diriger, si vous voulez, est-ce que vous avez plus ou moins le sentiment que vous êtes plutôt deux ? Que la personne privée, vous l'avez laissée un petit peu au vestiaire, et c'est la personne publique qui est en train de parler. Il y a une sorte de dédoublement. Au moins deux. Au moins deux, voilà. Et ça, j'ai interrogé beaucoup de pianistes, beaucoup d'acteurs, beaucoup de... Et un professeur, c'est ça. Et c'est-à-dire, il rentre dans l'amphi, mais c'est pas tout à fait Michel Serres privé. Vous voyez, c'est un autre. Et c'est cet autre qui écrit les livres. C'est pas moi. J'ai la sensation... Je les ai vraiment écrits, c'est pas eu de nec, comme on dit, bien sûr. Mais j'ai la sensation que ce n'était pas moi, que c'était cet autre... Donc vous avez vous-même l'expérience, comme si... Et beaucoup, beaucoup de grands écrivains l'ont dit, ça. Diderot, le neveu de Rameau, vous savez, cet orphelin vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère, Musset. Mais beaucoup, beaucoup l'ont dit, ça, cette espèce d'expérience du double, vous voyez. Alors, qui a les idées, c'est lui, c'est pas moi. Voilà. Et d'où vient-il, cet autre ? Je ne sais pas. Et c'est tous les métiers supposent cette espèce de dédoublement. Vous savez, les Égyptiens, contrairement à nous, les Égyptiens avaient non pas seulement l'âme et le corps, comme nous, dualistes, vous savez, ils avaient trois. Il y avait le corps, l'âme et le K, K-A, le double, le double. Et il supposait que chacun avait un double. Mais je crois que la religion chrétienne le sait aussi, c'est l'ange gardien. Vous voyez, il y a un énorme fleuve culturel là, qui dit ça de façon secrète. Et qu'on expérimente beaucoup dans le travail d'écriture. Donc là, je m'adresse à Michel Serres ou à l'autre de Michel Serres? Oui, je crois que c'est le Michel Serres parce que finalement, je ne dis que des banalités. Alors je propose au Michel Serres ou à Michel Serres, les deux portent le même nom de toute façon. Oui. D'entendre un autre son, quelqu'un qui parle de son travail, toujours dans l'idée de découvrir votre atelier, Michel Serres. Vous allez peut-être le reconnaître, il s'agit de Gilles Deleuze. Avant de conquérir la couleur philosophique, et la couleur philosophique c'est le concept, avant de savoir ou d'arriver à inventer des concepts, mais il faut un tel travail. Et moi je crois que l'histoire de la philosophie, c'est cette... lente modestie, il faut faire longtemps des portraits. Et les larmes du portrait, en tant que ça va nous permettre. C'est pas du tout des choses abstraites, la philosophie. C'est pas plus, encore une fois, pas plus qu'un tableau ou qu'une œuvre musicale. C'est absolument pas abstrait. Et ça, on ne peut le comprendre qu'à part l'histoire de la philosophie. Michel Serres, lorsque vous avez dit que dans votre écriture philosophique, vous procédiez par personnage. Oui, et cette technique ou cette manière de faire de la philosophie est profondément ancrée dans la tradition de langue française. C'est-à-dire que quand Descartes fait ses méditations, il y a un personnage, il trouve le malin génie, enfin, il y a des personnages. Quand Diderot parle de la fatalité, eh bien, il y a le maître avec Jacques le fataliste et son maître, vous voyez. Et si vous lisez de près les pensées de Pascal, ça fourmille de personnes. Et que je sache Montaigne, alors là, c'est une foule considérable de gens qui l'amènent avec lui. Donc, c'est pas une tradition de langue allemande, sauf peut-être Nietzsche, qui a des personnages. C'est pas une tradition allemande de la philosophie analytique, américaine, je veux dire. C'est une tradition assez française, vous voyez, bon. Donc, sur ce point, je ne suis pas réellement original, vous voyez. La langue française y porte probablement de cette manière, je crois. Mais bon, d'autre part, le portrait en question, il est plus vivant, plus accessible, plus charnel, plus coloré que le concept lui-même. C'est pas par concept qu'on avance, c'est par personne, par personnage. Alors c'est pour ça qu'il y a, je ne sais pas, dans mon travail, il y a beaucoup, en effet beaucoup de personnages, jusqu'au récent Passepartout. Donc vous êtes d'accord avec Gilles Deleuze, lorsqu'il dit que le portrait précède le concept. C'est-à-dire, Gilles Deleuze parle souvent de personnages conceptuels. Oui, il a raison, mais pas tout à fait. Je parle de personnage, vraiment, de personnage. Vous voyez qui, le concept est quelque chose d'un peu abstrait, d'un peu. Mais le personnage est plus concret. Voilà. Je dirais pas personnage conceptuel. Voilà. C'est donc que votre rapport à l'écriture est à la fois celui du philosophe qui s'intéresse à une question et celui de l'écrivain qui veut d'abord dresser des portraits. Oui. Voyons, c'est comme si vous sépariez la forme du fond, vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit, on écrit. Lorsqu'on écrit en français, on écrit la langue, et puis la plus précise possible, la plus exacte possible, la plus rigoureuse possible, mais la plus belle possible, évidemment. Par conséquent, il est vrai que le philosophe qui écrit bellement. Bon, Platon fait un grec extraordinairement beau, Leibniz a un français tout à fait extraordinaire, Nietzsche a un allemand extraordinaire, etc. Et par conséquent, Bergson a un très bon français. On pourrait aussi trouver des philosophes dont la prose n'est pas très agréable à lire. Et c'est plus des philosophes, ma chère. Oui. Emmanuel Kant, c'est pas un prosateur, et pourtant personne ne lui conteste l'appellation de philosophe. C'est pas complètement sûr qu'il soit... Parce que Kant était à la fois germaniste, parlait l'allemand, mais aussi latiniste, mais aussi un peu français. Il y a un peu de français, vous voyez. Et donc il a écrit beaucoup plus en latin qu'en allemand, vous voyez. Bon. Tandis qu'il se trouve que dans les temps contemporains, on n'a pas cette double langue, vous voyez. sauf les publicitaires qui ne parlent qu'anglais, évidemment. Et puis il y a les très belles pages de Kant, rendons-lui justice quand même. Oui, mais bien sûr. Vous savez, rien n'est plus beau que sa théorie du ciel, par exemple, qui est sublime. Les textes pré-critiques sont tellement supérieurs aux textes critiques eux-mêmes. Les textes critiques, bon, ils sont un peu comiques quand même, comiques. Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous écrivez ? Jamais de la vie. Et puis j'écoute la musique de la langue. Ah ben oui, la langue, c'est mon gueuloir, comme dit Flaubert. C'est-à-dire que si vous écoutez la musique, vous n'êtes plus attentif à la fois à ce qui se passe dans votre double, le double disparaît, et la musique de la langue disparaît. Ah non, il y a une musique propre à la langue auquel il faut faire très attention, un rythme particulier, les voyelles bien placées, etc. C'est une véritable composition musicale, bien sûr. Il est possible que si j'avais pas été philosophe, j'aurais été plutôt compositeur de musique. C'était ça ma vraie vocation, je crois. Enfin, bon. Quels sont les musiciens qui vous parlent ? Mais tous. Tous ont une langue, oui. Et je suis très attaché aux musiciens, oui, j'allais dire, de langue française, vous voyez ? Des gens comme, je sais pas moi, Debussy, Ravel, Berlioz, des gens remontants. Pourquoi ? Parce que même Chopin, qui pourtant était à moitié polonais, ses textes, on entend le français. Voilà. C'est le français dans sa pureté. Voilà. Donc vous êtes plutôt philosophe de l'oreille que philosophe de la vue ? Lorsque vous prenez un aveugle, il y avait dans ma pension d'école normale un aveugle qui est rentré dans la classe de lettres et qui est sorti agrégé de maths. Une performance intellectuelle telle que ça nous a laissé absolument éberlués d'admiration, n'est-ce pas ? Bon, si vous prenez un sourd-muet, c'est rare qu'un sourd-muet dépasse tel. Par conséquent, il est probable que l'audition est beaucoup plus importante que l'image. Que l'image est pauvre par rapport à l'oreille, je crois. C'est-à-dire, la radio est très supérieure à la télé. Voilà, je crois. À qui le dites-vous ? Alors, on va vous suivre, on va quitter votre atelier pour aller dans la cité, voir le rôle du philosophe que vous êtes par rapport à ce qu'on appelle l'actualité, aux problématiques contemporaines, politiques, économiques, etc. Mais avant cela, on avait un cadeau à vous faire, un cadeau pour vos oreilles. Écoutez. Que sommes-nous en train d'écouter, Michel Serres ? On est en train d'écouter le mouvement lent du concerto numéro 21 pour piano et orchestre de Mozart. Et vous avez l'air très concentré, oui, ému. Ce que j'admire dans ce texte, c'est la simplicité de moyens. Les notes sont élémentaires, là, etc. On n'a pas entendu la partition pour piano. La partition de piano est encore plus simple, vous voyez, et c'est sublime, etc. Vous voyez. Je crois que quand on fait compliqué, on atteint moins les choses essentielles. Simplement, la voilà. Le plus difficile quand on écoute Mozart, c'est d'interrompre Mozart, Michel Serres. Oui, c'est ça, exactement, vous avez raison. On l'écouterait indéfiniment, c'est surtout ce texte-là. Oui. Alors, vous dites ce texte? Oui, enfin, cette composition. Quel beau lapsus. Mais bon, nous interrompons Mozart pour laisser la parole à Michel Foucault. Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'est notre présent? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Eh bien, c'est Michel Foucault lui-même qui vous adresse ces questions, Michel Serres. Qui nous sommes? Qu'est-ce que c'est que ça, dit-il, que notre présent? Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui? La question du présent, d'aujourd'hui, vous parlez du contemporain, ce sont des questions qui vous occupent dans votre travail, Michel Serres. Oui, absolument. C'est-à-dire que on rencontre aujourd'hui, après un très très long travail, parce que reconnaître le contemporain est une entreprise extrêmement difficile. Et j'en veux pour preuve, si vous voulez, des philosophes récents, assez récents, qui se sont engagés. Ben oui, ils se sont engagés dans un parti, ils ont répété d'une certaine manière les consignes du parti, et puis voilà tout. Est-ce que vous avez remarqué, cher ami, qu'au XIXe siècle, beaucoup de philosophes ont inventé des modèles de société nouveaux, les socialistes utopistes, etc., et qu'au XXe siècle, aucun. Et c'est le moment où il est le plus important d'inventer une philosophie nouvelle à cause de la bascule de culture dont je parlais, et où les philosophes ont manqué. Or, ces philosophes-là n'ont jamais parlé que de l'engagement politique. Et oui, engagez-vous, vous allez ne pas comprendre le contemporain. Parce que si vous vous engagez à tel et tel point de vue, ben, vous allez faire de la politique, mais de la politique de parti, etc., qui ne fait que considérer une partie infime du réel. Tandis que si vous avez cette espèce de préoccupation de passer partout, comme tout à l'heure, si vous avez cette préoccupation encyclopédique, si vous voulez ramasser absolument toutes les grandes inventions qui ont eu lieu depuis, disons, 50 ans, vous avez une vague chance de rencontrer aujourd'hui. Vous voyez, voilà. Et ça, c'est une manière de s'engager? Peut-être on est beaucoup plus engagé que ceux qui prétendent l'être. Voilà, c'est ça la question. C'est pour ça que vous rencontrez beaucoup plus le contemporain que ceux qui croient, en étant engagés, l'avoir influencé. Prenons un exemple concret. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Le contrat naturel ». Oui. Dans lequel vous affirmez qu'il y a une sorte de contrat qui lie les hommes à la nature, comme le contrat social qui lie les hommes entre eux. Et vous allez même jusqu'à dire que la nature aurait des droits, qu'il faut la considérer comme une instance juridique. C'est ça. Alors, il se trouve que je ne suis content que de deux choses, évidemment. Quand j'ai écrit Hermès, par exemple, j'ai anticipé, d'une certaine manière, le fait que notre société était en train de devenir une société moins de production que de communication. Donc, je l'avais dit avec 30 ou 40 ans d'avance. Mmh. Il en est de même pour le contrat naturel. Ce livre-là a été couvert de critiques, d'injures, etc. Parce que, qu'est-ce que c'est que ce philosophe qui pense que, etc. Et maintenant, est-ce que vous savez, cher ami, qu'il y a au moins 15 ou 16 pays qui, dans leur législation, ont intégré cette affaire-là? Mais qu'est-ce que ça veut dire, la nature a des droits? Elle peut devant un tribunal, elle peut s'exprimer? Oui, elle peut ester devant le tribunal, ester, oui, absolument. Je veux dire par là que lorsqu'on a essayé de voir l'histoire de ce qu'on appelle le sujet de droit. Le sujet de droit, disons, dans l'Athènes du 5e siècle, c'était le mâle de 40 ans. À l'exclusion des femmes, à l'exclusion des étrangers, etc. Puis peu à peu, à mesure que l'histoire avance, les gens entrent dans cette possibilité de devenir des sujets de droit, jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme, où alors tout le monde est sujet de droit, vous comme moi, les enfants comme pas les enfants, il faut arriver à maturité évidemment. Bon, et tout se passe comme si les hommes étaient seuls au monde. Ils sont sujets de droit, tous, très bien. Mais tous, ben oui, ils font de la politique, c'est-à-dire ils sont tous ensemble. Et donc, ce dans quoi ils vivent, leur habitat, leur maison, n'existe pas. Et c'est ça le contrat naturel, c'est-à-dire que, à un certain moment, faut que prendre la conscience que... écoutez, c'est très simple, le mot environnement est un mot abominable. C'est-à-dire, l'homme est au centre et la nature est tout autour. Mais non, ça c'est l'anthropocentrisme idiot, voyez. Nous sommes en binôme, nous sommes en symbiose avec la nature. Et par conséquent, tout se passe comme si on avait tous les droits et la nature aucun. Mais c'est comme ça qu'on la détruit. Par conséquent, pour ne pas la détruire, il faudrait lui donner autant de droits qu'à nous. Et par conséquent, c'est ça ma thèse dans le contrat naturel, consiste à dire, par exemple, le parc national des Pyrénées ou le parc de Yellowstone pourrait faire un procès à des utilisateurs abusifs devant les tribunaux. Mais le parc lui-même, qui serait sujet de droit. Évidemment, comme vous et moi, il sera représenté par des avocats, bien entendu. Donc, c'est pas si ridicule que ça, vous voyez. Mais c'est un pas en avant qui nous aiderait à résoudre un des problèmes majeurs de notre temps, c'est-à-dire la destruction progressive de la planète. Et alors, comment le philosophe que vous êtes, qui vous emparait de ces questions écologiques, réagit à ce genre d'événement ? J'ai le cœur qui est triste. J'ai l'esprit libre. J'ai la conscience tranquille. Mais ne doutez à aucun instant que ma démission signifie une forme de résignation. Elle est simplement le signal d'une nouvelle mobilisation. Le sens de ma décision, ça n'est pas de baisser les bras. C'est de lever les yeux. Le sens de ma décision, c'est que nous prenions ensemble la mesure des enjeux, la mesure des risques, mais aussi que nous saisissions l'opportunité, pendant que nous le pouvons encore, de construire ce nouveau monde. Michel Serres, la démission de Nicolas Hulot, ici c'était pendant le discours de passation de pouvoir, le 4 septembre 2018, est-ce que ça vous inquiète ou ça vous fait sourire ? Je crois que cette émission a plusieurs sens. D'abord, il parle beaucoup de lui, que c'est pas moi, etc. Et puis, il conclut en disant qu'il faut se mettre tous ensemble. Mais ça, c'est un mot politique par excellence. Que ne l'a-t-il fait quand il avait la responsabilité ? Il disait justement qu'il démissionne parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'on l'empêchait de le faire. Alors, il faut prendre conscience qu'il ne pouvait pas. Bon, pourquoi ne pouvait-il pas ? Parce que le problème n'est pas politique, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui détruit la nature aujourd'hui, c'est pas la politique. Ce qui nous sauvera, c'est pas la politique. C'est l'économie qui détruit la nature. Or, l'économie est aujourd'hui un système mondial extrêmement organisé et qui nous dépasse de beaucoup, et dont la politique n'est que le serviteur. Alors, pourquoi la politique est inopérante ? Regardez, dans les 50 dernières années, le monde a un éventail de systèmes politiques assez large. Ça va, si vous voulez, de Mao Tse-tung ou les soviétiques jusqu'à au capitalisme anglo-saxon. Bien, quel que soit le régime politique, on a pollué partout autant. Vous voyez ? Et par conséquent, c'est indépendant des questions politiques. Et par conséquent, c'est pas la peine d'être dans un parti politique ou d'être ministre, etc. C'est pas ça qui résout la question. Et écrire des livres sur le sujet, il faut agir sur l'économie, ou sur le droit, à la rigueur. J'avais prévu, parce que le contrat naturel dont vous parlez, il a quand même 30 ans, vous voyez, bon. Il est réédité aujourd'hui. Oui, réédité aujourd'hui. Mais c'est l'économie qui est, il faudrait travailler dans le secteur de l'économie parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que... Mais ce n'est pas ce que vous faites non plus. Non, en effet, on ne peut pas tout faire. Certes. Avant qu'on se quitte, avant de vous quitter, Michel Serres, quelques questions, une forme de questionnaire de fin, comme un questionnaire de Proust ou un portrait chinois, vous savez, uniquement de manière à dresser votre portrait philosophique. Quel livre de philosophie n'avez-vous jamais fini ? Presque tous. Presque tous, oui. La critique du jugement, La République de Platon, jamais fini. Et alors, dans un monde sans livres, façon Fahrenheit 451, quel livre de philosophie apprendriez-vous par cœur ? Don Quichotte. Don Quichotte, absolument. Pourquoi ? Parce que Don Quichotte est un livre de génie pour la raison suivante. Il met en scène un homme très cultivé, la culture au sens académique, c'est-à-dire qui a beaucoup lu, qui est beaucoup, etc., qui sait beaucoup de choses, mais qui est tellement ivre de livres que il ne voit dans le monde extérieur que des livres, vous voyez, il ne voit pas les moulins à vent. Bon. Et il a derrière lui la culture au sens anthropologique, c'est-à-dire la culture paysanne, la culture, etc. C'est Sancho Panza. Eh bien, j'ai toujours pensé que la philosophie comme la culture, elle n'était complète que si elle avait à la fois les qualités de Don Quichotte et les qualités de Sancho Panza. Bon courage pour l'apprendre par cœur, c'est un sacré pavé quand même. Oui, oui. Suite à une réforme de l'enseignement, vous vous retrouvez face à des maternelles. Par quel livre de philosophie est-ce que vous commencez votre cours ? Oh, je ne pense pas que je donne des livres de philosophie à la maternelle, non. La philosophie demande un travail tel qu'elle ne peut être abordée que beaucoup plus tard, je crois. Hein. Vous pouvez dîner avec 3 philosophes. Lesquels ? Je dînerai volontiers avec Platon, pourquoi pas, oui, oui. Avec Leibniz, certainement, oui, oui. Avec Bergson, voilà, hein, aussi. Ironie socratique, austérité kantienne, angoisse de Schopenhauer ou paranoïa de Rousseau, quels défauts philosophiques pourriez-vous cultiver ? Est-ce qu'il y a des défauts philosophiques ? C'est ça la question, parce que si vous êtes paranoïaque, c'est pas forcément la philosophie. Si vous êtes toutes les maladies que vous avez enfilées, ben, c'est quand même pas la philosophie qui les produit, voyez ? La philosophie, probablement, doit donner la santé, voilà, et la joie. Précisément, jardinage, sexualité ou marche à pied, quelle activité s'apparente le plus à la philosophie ? J'ai toujours dit qu'on écrivait avec les pieds. On écrit avec les pieds. C'est-à-dire que si vous marchez, vous avez un rythme et vous rentrez dans le rythme. Et c'est le rythme qui produit tout le reste. Voilà. Dernière question. J'écris avec les pieds, voilà. Bon, vous parlez bien avec la bouche, en tout cas, je peux en témoigner. Oui. Une toute dernière question, après ces années d'études et de travail sur la philosophie, quelles leçons de sagesse pouvez-vous nous délivrer ? Si je pouvais délivrer une leçon de sagesse, je serais le conseiller universel et je ne veux pas le devenir. Merci beaucoup Michel Serres. Je vous en prie. Cette bonne réponse, on se quitte avec une chanson que vous connaissez peut-être, vous qui aimez le contemporain et la jeunesse, est-ce que vous avez Instagram ? Bien sûr. Vous connaissez peut-être la chanteuse Angèle ? Ah oui, bien sûr. Eh bien la voici. Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous partez à la découverte du paysage. Où se trouve le paysage ? L'occasion m'est donnée de poser cette question grâce à un beau livre paru aux éditions Anna Moza, Arpenter le paysage, poète, géographe et montagnard de Martin de la Soudière. Ce livre, qui n'est pas un essai de philosophie, se présente comme une réflexion qui vagabonde entre souvenirs autobiographiques et plongée dans l'univers d'amoureux de paysages, poètes, peintres ou géographes. L'auteur, Martin de la Soudière, est lui-même ethnologue et la question du paysage s'est posée à lui dès son enfance quand il arpentait et escaladait les montagnes des Pyrénées. Montagne Pyrénées. Où se trouve le paysage? Eh bien, très simplement, sous nos yeux. Le paysage, c'est une étendue de territoire, de pays, nous dit l'étymologie, qui est couverte par le regard. Sans yeux, pas de paysage, donc pas d'ensemble construit en un tout cohérent que l'on peut contempler. Le paysage se regarde, donc il se scrute, il s'examine, il s'admire. Ses contours et son sens sont ainsi définis par le champ de notre vision. Et pourtant, quelque chose échappe toujours profondément à nos yeux quand on est face à un paysage. Quelque chose déborde, d'une part parce qu'on sait que le paysage ne se finit jamais là où nos yeux s'arrêtent, et parce que, d'autre part, il provoque toujours en nous autre chose que sa propre vue. D'une certaine manière, ce livre part de ce paradoxe. Le paysage et sa contemplation peuvent être une activité familière, mais elle reste toujours une activité étrange, étrangère. Si on regarde un pays, peut-on totalement le voir? Peut-on y circuler, l'arpenter, l'achever? Peut-on se l'approprier? Entre le regard et le paysage, qui construit qui au final? L'homme est quelqu'un qui vit dans un milieu matériel aussi. Enfin, non seulement il respire, bien entendu, mais il est tributaire de la terre sur laquelle il vit. Et à mon avis, j'ai le sentiment, c'est pas un avis, c'est un sentiment que j'ai très fort, qu'il vit dans un contact continuel, une espèce de symbiose, si vous voulez, avec la nature, avec l'air, avec le climat, le temps qu'il fait, avec la terre sur laquelle il se déplace ou qu'il habite. Parmi les grands noms qui ont travaillé, écrit et se sont inspirés du paysage, il y a l'écrivain Julien Gracq. Dans son livre, Martin de la Soudière lui consacre un chapitre. En philosophie, on trouve des textes de Kant dans la critique de la faculté de juger ou des textes de la tradition chinoise que François Julien travaille dans son livre Vivre de paysage. Il y a également la philosophie du paysage de Georges Simmel. En art, il y a également le land art qui consiste à intervenir dans de grands espaces extérieurs à l'échelle de la nature. Mais dans tous les cas, littérature, peinture, installation ou pensée, il y a cette idée se confronter au dehors. L'enjeu dans ce livre est le même et il n'est pas pourtant de penser le dehors, de l'abstraire pour lui-même, il n'est pas non plus de le ramener à des descriptions exactes, écologiques ou naturalistes. Non, l'enjeu est de voir ce que le dehors, le paysage, nous fait à nous, à l'intérieur, ce qu'il produit sur nous et de nous. En ces heures où le paysage est une auréole de vie et où rêver n'est que se rêver soi-même, j'ai élevé mon amour dans le silence de mon intranquillité, ce livre étrange où s'ouvrent tout au bout d'une allée d'arbres les portes d'une maison abandonnée. J'ai cueilli pour l'écrire l'âme de toutes les fleurs et des instants éphémères de tous les chants de tous les oiseaux. J'ai tissé un réseau d'éternité et de stagnation. Contrées, confins, pics, cols, plateaux, collines, étangs, landes, gâtines, bocages ou molasses, les mots exotiques de la géographie n'en désignent pas moins les territoires les plus proches, les plus connus, ceux que l'on côtoie ou habite depuis l'enfance, la ville que l'on parcourt tous les jours, les terres que l'on a arpentées petit. La Lisbonne de Fernando Pessoa nous révèle ainsi que le paysage n'est jamais loin. Il n'est pas ailleurs, c'est un dehors qui nous colle à la peau. Car on habite le paysage, mais il nous habite aussi, il nous structure et nous traverse, en nous, les étendues, les collines, les bocages ou les plateaux, en nous, ce sentiment aussi de débordement et d'étrangeté. Ce livre se finit ainsi sur les paysages qu'on peut ne pas voir, qui restent sans maître. Ce sont parfois les nôtres aussi qui nous restent parfaitement étrangers. Merci Géraldine. Rappelez-nous le titre de ce livre. Arpenter le paysage, poète, géographe et montagnard, c'est de Martin de la Soudière aux éditions Anna Moza. C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houri, Anaïs Isbert. Avec Lise Combe et Philippe Baudouin à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Clément Daté et Alexandre Dang. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. La semaine prochaine, on vous proposera de redécouvrir les émissions sur l'attente qui avait été diffusée en décembre 2018. Jean Kelevitch, Beckett, Victor Hugo et Edward Hopper, ce sera le programme de la semaine prochaine. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve lundi à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.